Salut, bonjour à vous et merci de nous accueillir sur les antennes de la 99.6 FM. Bienvenue à cet instant de partage. C'est la troisième partie, je rappelle, de votre programme Délices Matinales. Et dans le cadre du partage, nous échangeons avec vous autour de la parole de Dieu. Nous abordons un ensemble de thèmes liés, bien sûr, à la marche chrétienne. Et depuis le début de cette semaine, nous parlons de porter sa croix et suivre Jésus. Tout au long de cette semaine, nous avons évolué et nous avons essayé, autant que le Seigneur nous a permis, de développer cet élément important. On peut déjà retenir que c'est un concept qui est encore d'actualité. Cela n'était pas seulement pour le temps des apôtres. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous demande véritablement de nous charger de nos croix et de le suivre. Et nous allons en parler encore aujourd'hui avec l'évangéliste Elibert Ntiabda, avec lui nous allons conclure cette semaine. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, particulièrement de l'émission Partage. Avec vous, nous avons tout au long de cette semaine abordé cette question, porter sa croix et suivre Jésus. On a évoqué trois éléments importants. Premièrement, entrer en relation avec Dieu. Oui. Deuxièmement, accepter le renoncement que demande le Seigneur. Oui. Et troisièmement, porter sa croix. On ne peut parler de porter sa croix si déjà on n'a pas accepté renoncer. Et on a essayé un petit peu de présenter ce que l'on entend par renoncement. Oui. On a évoqué ce point. Oui. Et autour de cette portion de la parole de Dieu tirée du livre de Matthieu, oui, on a essayé d'apporter un certain développement et on a promis aux auditeurs de revenir justement sur ce livre d'Éphésiens également, qui nous parle un petit peu de la nécessité pour le chrétien de se préparer, de s'armer pour faire face aux mauvais jours. Ce qui nous amène à poser la question qui va nous conduire tout au long de cette émission: comment est-ce que le chrétien de notre époque peut porter sa croix et suivre Jésus? Voilà. Lorsqu'on a cerné tous les contours dont vous avez le bref rappel dont vous avez fait état maintenant et que nous avons développé tout au long de la semaine, et nous rappelons aux auditeurs que c'est la conclusion aujourd'hui. La conclusion, oui. Donc nous comprenons que la première chose, c'est qu'on ne peut pas accepter porter la croix si on n'a pas compris ses préliminaires. Donc il faut accepter d'abord le renoncement. Et nous avons vu tout au long du développement que c'est là où le bas blessait. Mmh. Parce qu'en réalité, ça touchait l'ego humain, notre amour propre. Et ça nous amenait à nous soumettre. À Dieu. Oui. Et l'une des choses qu'on doit comprendre, et nous avons vu également dans l'une des émissions, des dernières émissions, nous avons vu que l'être humain aimerait faire des choses par lui-même. Oui. Donc par nature, nous sommes désobéissants, nous sommes attachés à notre liberté, à ce libre arbitre dont Dieu nous a donné. Mmh. Or Dieu veut que ses enfants à lui suivent ses ordres, oui, lui obéissent et lui soient totalement soumis. Mmh. Ne c'est pas soumis, être soumis dans la dictature, mais lorsque nous comprenons la volonté de Dieu, nous comprenons effectivement que Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. Pour nous, oui. C'est parce que nous avons les égaux justement dans notre nature, comme j'ai dit dans un des exemples que j'ai pris là, nous avons des choses, des natures que nous avons eu à construire dans notre vie. Et qui se sont accrochés, qui ont été développés à notre être, à notre, oui, homme intérieur. Donc il faut que Dieu déconstruise cela et reconstruit maintenant selon son image à lui. Mmh. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'en fait ces choses là les choses que nous avons construites au cours du temps par la société, par le social, nous voyons effectivement que ces choses là plaisent à notre chair et notre chair n'aime pas être châtiée. Mmh. Et c'est justement par là où Dieu est obligé de passer. C'est pour ça que la dernière fois j'ai cité le livre d'Hébreux chapitre 12 où le Seigneur dit que c'est comme les fils qui nous châtient, ils ne nous châtient pas. Et il a pris l'exemple comme les pères des enfants. Quand les enfants disposent à la maison, nous les parents qui nous écoutent maintenant, ne châtient pas l'enfant pour le chasser hors de la maison, c'est pour donner la correction. Mmh. Et Dieu donc pour donner cette correction là touche notre chair particulièrement et les choses dont nous portons en valeur. C'est là où nous avons touché le cas des renoncements, en comprenant que le renoncement ce n'est pas la dépersonnalisation. Non, c'est pas se mettre à l'écart de la société. Et souvenons-nous que le Seigneur Jésus nous a laissé, il a dit je vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Il a même promis, c'est une merveilleuse promesse pour les disciples, il a dit que vous aurez des tribulations. Donc vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Il ne dit pas qu'il a enlevé la tribulation, il dit que vous aurez. C'est une prophétie que les disciples devaient admettre comme toutes les autres promesses de la Bible. Mmh. Donc les promesses de la Bible sont immuables. Oui. Donc lorsque nous acceptons donc cette tribulation, il faut qu'on comprenne le but pour lequel Dieu le fait. Dieu ne le fait pas parce qu'il nous déteste. C'est justement parce qu'il y a des choses dans nos propres vies qui ne le glorifient pas. Et Dieu a donc ses moyens qu'il a destinés comme ça pour pouvoir évacuer cela. Mmh. C'est pour cela que les choses de Dieu, ces choses-là, le renoncement ne peut pas être appris par un homme à une autre personne, à commencer à renoncer. Parce que c'est au cas par cas. Chaque esprit a été construit de façon différente selon le modèle moulé par la société. Oui. Et par conséquent, Dieu va utiliser également ces différentes méthodes pour pouvoir démouler cela et reconstruire la personnalité à lui propre. Donc, là, vous avez un petit peu essayé d'élaborer encore, ou alors de présenter profondément le travail intérieur à faire d'abord. Oui. Et maintenant, quand on fait face à un ensemble de circonstances, oui, déjà, comment savoir que là, on est en train de porter sa croix? Oui. Deuxièmement, comment réagir, oui, à ce moment-là? Oui. Et on va dire troisièmement, comment discerner la volonté de Dieu dans cette circonstance? Voilà. Et la dernière fois, nous avons essayé de faire un briefing sur ces domaines-là également. Nous avons touché, j'ai dit, la nécessité de comprendre la volonté de Dieu. Si on ne comprend pas la volonté de Dieu, c'est parce que d'abord, il y a un problème de communion. Mmh. Parce que celui qui entend la voix de Dieu saura tôt ou tard, dans une situation donnée, que ceci vient de Dieu. Mmh. C'est pour ça que vous allez voir le personnage que vous avez pris dans l'une des émissions, dernières émissions, vous avez pris le personnage de Joseph. Oui. Lorsque vous voyez effectivement comment Joseph a traversé les situations dont il a vécu, vous voyez effectivement que Joseph n'a pas eu à murmurer. Comme aujourd'hui, les gens traversent des situations, ils chassent les démons de ces situations. Joseph, lui, étant en prison, ayant été accusé faussement, n'a pas demandé à Dieu d'envoyer le tonnerre sur la femme de Potiphar, ou bien d'aveugler Potiphar, ou bien les gardes prisonniers. Non, il s'est contenté. Et même celui qui consolait les prisonniers dans la prison. Et nous voyons effectivement que Dieu était encore avec lui pour qu'il puisse donner les prophéties par rapport à des prisonniers qui étaient là et qui s'accomplissaient. Nous voyons donc que Joseph, lorsqu'il est sorti de cette situation avec ses frères à la mort de son papa, dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20, il précise bien, dit, qui sait si c'est pour un temps? Que c'est pour ce temps, c'est que Dieu l'a fait pour pouvoir délivrer le monde. Donc, il sait effectivement, à partir de là, il sait effectivement totalement que Dieu l'a envoyé devant pour pouvoir sauver le monde d'antan. Mm-hmm. Et là, maintenant, il a compris la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'il a commencé à observer que ses frères venaient vers lui, il savait effectivement que c'est cela. Mais vous voyez effectivement les larmes de Joseph mélangées entre l'émotion et la réalité qui venait s'accomplir devant de lui. Il ne pourrait que pleurer. Et c'est ainsi dont tout chrétien, lorsque nous traversons les épreuves à nous imposées par le Seigneur, très souvent nous ne comprenons pas d'abord cela. Mais j'insiste sur l'état de communion, parce que lorsque nous connaissons l'état, la communion que nous avons avec le Seigneur, mm-hmm, ça nous fait donc de comprendre ce que le prophète a dit, Habakkuk a dit, qu'il est bon d'attendre en secours le silence de l'Éternel. Lorsque nous sommes dans le chantier, dans le sentier du Seigneur, tout ce qui nous arrive, la Bible déclare, nous savons du reste que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et légèrement, on cite ces versets lorsque nous avons du bien. Or, on a dit là toutes choses, et toutes choses peuvent être en bien soit en mal. Donc, et par conséquent, si Dieu nous fait passer par ces choses-là, il faut d'abord qu'on vérifie si oui ou non, parce qu'il faut qu'on précise aux auditeurs également qu'on peut être dans le mauvais à la suite de nos actions. Oui. C'est ce que l'apôtre Pierre essaie de réitérer en disant qu'il ne faut pas qu'on fasse de notre liberté un voile pour pouvoir faire le mal. Mmh. Il faut pas que quelqu'un souffre comme s'ingérant dans des choses de truie ou bien comme étant voleur. Mais il dit que lorsqu'on s'examine et qu'on voit qu'on n'a rien à se reprocher, mais qu'on en est de souffrir, qu'on sache que c'est la volonté de Dieu. Mmh. Donc derrière une souffrance, à proprement dit, humainement parlant, il faut que les auditeurs s'examinent d'abord pour savoir si oui ou non ils sont dans l'iniquité, sinon pas fauter quelque part. Et là maintenant, on fait recours donc à cette partie intérieure dont Dieu construit l'homme intérieur. Cet homme intérieur-là qui reçoit les choses de Dieu et qui désire servir Dieu. Lorsque l'homme intérieur est dans la paix, dans une situation, on comprend que c'est Dieu faisant. Justement, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que porter sa croix voudrait dire forcément être dans les troubles, dans les tourments, dans la peine? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine quiétude quand même qu'on peut ressentir au cœur de tous ces vents? Justement, l'apôtre Paul, remarquez très bien que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, il a dit qu'il a souffert la nudité, souffert les vents, mais toutes ces choses, dans toutes ces choses, et dans 1 Timothée, il va dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il savait effectivement que, prenons un exemple simple, l'apôtre Paul, Agabus, le prophète Agabus va venir dans Actes des Apôtres chapitre 11 et chapitre 21, prophétiser que cet homme-ci, à qui la ceinture est destiné pour être lié et châtié, amené à Rome. Donc ici, clairement, Dieu lui dit, et par le Saint-Esprit, dit audiblement, de façon physique, à un prophète, qu'il son parcours à Jérusalem est destiné pour la souffrance. Mmh. Remarquez bien la réaction des disciples. Les disciples qui sont charnels, remarquez, ils ont pleuré devant l'apôtre Paul en disant de ne pas aller à Jérusalem. Yeah. Or, nous regardons, si vous regardez la Bible déclare que c'est animé par l'Esprit que les disciples parlaient à l'apôtre Paul de ne pas y aller. Et c'est l'Esprit Saint qui venait de parler par l'autorité de l'apôtre, quoi, des prophètes, que voici le parcours à parcourir. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez effectivement là, cette volonté permissive et la volonté parfaite. Et l'apôtre Paul a foncé droit dans la volonté parfaite de Dieu, sachant que c'est Dieu faisant. Il a dit, qu'est-ce que vous me faites là? Sa vie n'est rien par rapport à ce que Christ a fait pour lui. Mm-hmm. Donc nous comprenons effectivement que lorsque la paix de Christ est là, lorsque nous traversons les tempêtes, en fait, qu'on la met ou non, si les gens l'admettent ou non, on a des tempêtes à traverser. Bien plus encore, lorsqu'on lorsqu'on est chrétien, il faut qu'on se comprenne encore. Lorsqu'on est chrétien, ces tempêtes sont nécessaires pour déconstruire. Il n'y a pas de déconstruction, il faut que ça soit clair. Il n'y a pas de déconstruction de cette nature que nous avons hérité de notre vaine manière de vivre sans passer par des casses. Et cette casse-là, ce sont les choses que nous aimons dans le monde. C'est les choses dont nos valeurs sont construites à partir de là. Nous voyons donc que tant qu'il n'y a pas cette casse-là dans nos vies, Dieu ne peut pas avancer avec nous et nous ne pouvons pas comprendre sa volonté. Et comme j'ai pris le cas de Joseph tout à l'heure, vous voyez effectivement, c'est quand Joseph est sorti de l'eau, sorti de la prison, qu'il a commencé à voir derrière pour voir le parcours qu'il en est. Parce qu'il ne pouvait pas avoir de couronnement sans avoir passé par là. Et la dernière fois, nous avons vu effectivement que Dieu, quand il montre le point A, puis le point B, il n'est pas obligé. Et très souvent, il ne montre pas le parcours, ce qui est à l'intérieur. Lorsque Dieu a dit, par exemple, à l'apôtre Paul qu'il sera lié à amener à Rome, il ne lui a pas donné le parcours, par exemple, de ce qui devait chuter sur l'île de Man. Il n'a pas donné le fait que la cargaison devait échouer sur cette île-là, avec les gens devaient nommer, nager dans cette mer-là pour chuter sur l'île de Man. Mais tout cela est dans le plan de Dieu parce que le but, c'est quitter Jérusalem pour arriver au niveau de Rome. Et c'est là où il devait témoigner. Donc on voit très bien que lorsqu'on comprend, on commence à comprendre les personnages bibliques, on voit la façon immuable de Dieu d'agir. Et il faut rappeler aux auditeurs que de temps en temps, il faut que les gens lisent la Bible pour comprendre la façon que Dieu agit avec des personnes de la Bible. Et c'est la même chose. Donc, en résumé, il faut comprendre que la paix de Christ ne peut pas nous surpasser dans notre cœur tant qu'il n'y a pas eu cette déconstruction. Lorsqu'il y a cette déconstruction, on commence à comprendre l'humilité, on commence à comprendre effectivement notre ego propre, c'est ça, parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Mm-hmm. Et tant qu'on sera imbu de notre propre personne, Dieu va devoir casser cela pour pouvoir représenter la personne du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Donc, on va un petit peu résumer. On a dit, lorsqu'on est en train de porter sa croix, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de faire face à un ensemble de réalités ou de circonstances, déjà, la garantie que nous avons, que Dieu est là, c'est cette paix qu'il nous donne à l'intérieur. Absolument. De nous. Mais nous ne pouvons être conscients de cette réalité si nous n'avons pas fait un certain examen. Exactement. C'est-à-dire afin de déterminer quelle est effectivement la source de ce que nous traversons. Oui. Et au cœur de cette fournaise, vous l'avez dit, quelle attitude devons-nous adopter ? Devons-nous paniquer ? C'est la confiance. Puisque la Bible déclare que heureux ceux qui remettent leur confiance au Seigneur. Mm-hmm. Lorsqu'ils traversent les grandes eaux, le fleuve ne peuvent pas le submerger. C'est ce que la Bible déclare. Mm-hmm. Et le psaume que les gens récitent chaque fois sans comprendre, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour que quelqu'un puisse réciter comme ça, il faut qu'il y ait du manque. Ça veut dire qu'il y a du manque avant qu'il puisse réciter. Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort peut être l'accident. Ça peut être dans un étau des sorciers. Ça peut être au niveau de votre emploi où les gens sont allés vous persécuter. Vous êtes à l'intérieur en plein dans les logoules. Enfin, quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a laissés dans le monde. Et comme j'ai dit, il a dit, vous aurez des tribulations. Donc chacun a sa tribulation dans son domaine selon ses plans à lui. Donc en fait, au cœur de tout ça, oui, il n'est pas question de fuir. Il n'est pas question de fuir. En fait, vous ne pouvez pas fuir nulle part parce qu'il enveloppe. Le prophète Job nous a dit clairement que s'il va en Occident, il se trouve. Il va en Orient, il se trouve là-bas. S'il va même au Sud, sa main est liée. Donc ça veut dire quand Dieu a commencé avec vous, vous ne pouvez pas fuir. Mm-hmm. Jonas a essayé, il a compris pour sa vie. Mm-hmm. Donc on ne peut pas fuir Dieu. En fait, on a intérêt à ne pas fuir Dieu parce que c'est pour notre bien. C'est ça le vrai problème. C'est pour notre bien. Si Joseph savait effectivement, si Dieu lui a montré que tu seras premier ministre en Égypte, c'est que vous lui dites de parcourir le monde entier à pied. Il va parcourir à pied. Mais Dieu fait toute chose bon en son temps. C'est ce que la Bible nous répète. Alors, je voudrais savoir, on a évoqué un petit peu la nécessité d'avoir une vision. Mais comment finalement, alors qu'on est en train de porter sa croix pour suivre Jésus, parce que c'est ça la finalité, on aura l'occasion de revenir sur cela tout à l'heure. Oui. Alors qu'on est en train de porter sa croix, comment discerner les instructions de Dieu pendant ces moments-là? C'est une bonne question. Cette question-là, de façon sous-jacente, touche le mode de distraction. La dernière fois, vous avez posé la question pour de savoir si cela est valable pour nous. J'ai dit, s'il y a une époque où cette parole de porter sa croix et renoncer a vraiment son essence, c'est notre église, l'église de cette époque-ci. Maintenant, comment discerner la voix de Dieu, que ici c'est Dieu qui en a de fonctionner? En fait, la première chose que j'aimerais conseiller aux chrétiens qui m'écoutent maintenant, c'est il faut qu'on comprenne que Satan nous a captivé ce monde avec ses multiples distractions. Il y a les distractions par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport aux préoccupations du lendemain. Et vous voyez que à chacune de ces choses-là, il y a des injonctions dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, dans le livre de Luc au chapitre 12, il va dire, ne vous souciez pas du lendemain. Dans le livre au chapitre 6, il va dire que ne pensez pas à ce que vous allez manger le lendemain, au-delà des soucis. De peur que votre cœur ne s'apaisantisse et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Or, c'est ces choses-là dont les filets, il faut que nous méditions vraiment sur ces passages-ci. Parce que ce sont ces choses-là qui font de temps en temps que Satan essaie de nous utiliser pour nous distraire. Et par conséquent, vous allez voir effectivement, des gens vont prendre le temps de jeûner. Et même se séparer des téléphones portables, c'est un problème. Ils sont constamment sur le téléphone portable. Lorsqu'on va prendre le temps de jeûner, on a du travail. Pour ceux qui sont dans l'Europe et qui nous écoutent maintenant, ceux-là, ils savent effectivement que les gens qui sont là en Europe et dont la famille a prêté assez une somme d'argent, ils sont obligés de se jeter à l'eau pour pouvoir travailler dur pour, travailler dur pour rembourser. Et remarquez très bien, la seule personne qu'on peut négliger, c'est Dieu. Quand on rentre plus tard, on dit, Dieu, tu connais que je travaille trop. Et oui, effectivement, que nous nous sommes vendus pour de rien. Or, la communion, il y a probablement des plus intéressants ici que d'entendre la voix de Dieu. Donc, je t'en ai dit, pour comprendre ces choses-là, premièrement, il faut qu'on repense encore notre valeur. C'est-à-dire quoi? On redéfinit encore notre relation avec le Seigneur de la manière biblique. Il ne faut pas qu'on laisse... Et ces choses-ci, l'une des ramifications, cette distraction-ci montre, c'est le manque de confiance au Seigneur. Mm-hmm. Parce que lorsqu'on court au gain par-ci, par-là, vous voyez quelqu'un qui a 3 boulots. Il faut qu'il soit à 22h, aller au gardinage, la nuit, pas au plongeon, et puis le matin, il part comme professeur de gymnastique. Il y a un problème avec lui. Vous voyez, un professeur de lycée aujourd'hui, il donne cours au même dans 7 autres lycées. Oui. Vous voyez, en même temps, il chez lui, mais il ne peut même pas dormir parce qu'il est en train de chercher de l'argent. Pourquoi? La soif de la cupidité. Mm-hmm. Et derrière cette histoire-là, maintenant, on ne comprend pas qu'en réalité, il faut qu'on trouve du temps pour Dieu. Et c'est pour cela que vous avez vu, donc, Satan a donc aménagé les gens en donnant le dimanche, maintenant, comme le jour d'adoration. Quand cette personne fait, il va dimanche en croyant qu'il a fait quelque chose pour Dieu. Il croit peut-être qu'il va au culte pour Dieu, pour que Dieu ne se fâche pas. Ils ne comprennent pas que Dieu veut quoi? Cette communion. Et donc, je dis donc, cette communion pour qu'on puisse comprendre. Parce que vous ne pouvez pas tout simplement rester en faisant votre affaire à vous et Dieu s'occupe de vous comme ça. Mm-hmm. Non. Il faut qu'on comprenne la nécessité d'établir vraiment une communion constante et permanente avec Dieu. Mm-hmm. Prenons un exemple simple. Dans le livre de Daniel, au chapitre, dans tout son parcours, le livre de Daniel, on va voir effectivement que Daniel était assidu. Il était le troisième du royaume. Malgré qu'il travaillait là-bas, ça n'empêchait pas de prier. La Bible déclare qu'il priait constamment et continuellement. Ouais. De telle enceinte que lorsqu'il y a une tribulation, le roi lui-même qui a signé le décret, qui était immuable, a dit, puisse ton Dieu en qui tu te confies constamment, puisse le faire. Je pose donc la question. Les gens qui m'écoutent maintenant et qui vont au travail et font le signe de croix pour sortir, ou bien ceux qui font des balivernes tout simplement avec la Bible, ils lisent deux versets avant de sortir. Est-ce que s'il y a des tribulations en ce lieu de service, comme le cas de Daniel, est-ce qu'ils pourront invoquer ce Dieu et que ce Dieu leur vienne en aide? Ce qui nous renvoie au livre d'Éphésiens. Absolument. Au livre d'Éphésiens qui nous invite justement à adopter un petit peu une certaine attitude, nous invite pratiquement à anticiper. Exactement. Et au verset 10 de Éphésiens chapitre 6, la Bible déclare au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous voyez, oui. Il y a un travail. Et par sa force toute puissante. On dit la force du Seigneur. Donc nous ne devons pas nous confier en nous-mêmes. Revêtez-vous, ce sont des injonctions, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc nous avons eu le temps de développer que nous ne pouvons pas avancer sans cela. Mm-hmm. Donc on a intérêt. On dit contre les ruses du diable, ça, c'est parce qu'il y a des choses comme par exemple la distraction dont j'ai parlé donc tout à l'heure. C'est le fait que les gens sont dans la distraction, on n'a pas mesuré le prix. Dès le départ, comme nous avons parlé de fondement la dernière fois, on a vu effectivement qu'on a raté quelque chose quelque part. On n'a pas montré aux chrétiens de se préparer. Mm-hmm. Il dit, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, après avoir tout surmonté. Alors, ça veut dire qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait des problèmes, comme je t'en ai dit, avant d'aller invoquer Dieu. Mmh. C'est un travail. C'est un travail que quelqu'un doit faire. Les militaires, les joueurs de football, comme la Bible parle, ceux qui courent dans le stade, ils se préparent, ils se donnent toutes sortes de manières pour pouvoir arriver parce qu'ils ont les yeux fixés sur la couronne. Et la Bible déclare donc que l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et les chrétiens aujourd'hui, qui ont toutes les armes puissantes en leur faveur, négligent cela par rapport au milieu matériel. Donc, en fait, vous avez l'impression aujourd'hui, évangéliste et Bertrand, que les chrétiens sont devenus un petit peu instantanés, c'est-à-dire on appelle Dieu. Exact. Quand on a une situation. Et vous voyez, dans les musiques qui chantent, on chante que j'ai fait mon miracle aujourd'hui. Et les chrétiens dansent là partout. Donc en fait, on fait recours à Dieu. Oui. Quand on traverse une situation. Dieu devient quand même marrant. Mais on estime, on ne prend pas le temps de se préparer à ce que. Exact. À une situation qu'on pourrait rencontrer. Exact. Beaucoup de personnes qui écoutent maintenant et qui me connaissent savent effectivement cela. Vous voyez, beaucoup de personnes viennent avec le miracle pour rechercher le miracle. Je leur dis oui, c'est vrai. Le Dieu là, c'est le Dieu des miracles. Mais ce n'est pas le plus important. Chacun des miracles que le Seigneur Jésus a fait, c'était pour attirer l'attention. C'était pour attirer l'attention à lui afin qu'ils voient ce que Dieu les appelle à faire. Maintenant, vous voyez, effectivement, les gens vont lui rendre visite, ils cherchent des miracles. Mais quand vous commencez à prêcher la parole de Dieu, cette parole est Dieu qui peut écouter. Mais ils peuvent venir pour prier, pour qu'on. Comme vous avez dit la dernière fois, lorsque ce c'est le programme de prière, les gens y sont en plein. Mais ouais, quand c'est le programme d'enseignement, les gens ne viennent pas. On trouve des excuses. On trouve des excuses qui j'ai acheté un bœuf, l'autre, je me suis marié, l'autre, ainsi de suite. Quoi, t'es que la Bible te dit. Mais pourquoi? Et or, c'est la parole qui vivifie. L'esprit, la chair n'essaie de rien. Mm-hmm. Mais on court pour le miracle pour pouvoir satisfaire la chair. Donc, lorsqu'on voit dans le livre d'Éphésiens, nous voyons effectivement que les choses sont développées dans la Bible de cette façon-là, de façon immuable, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dieu a ses principes. Si, un, lorsqu'on quitte le monde, il y a un travail à faire. Et lorsque nous voyons le type des Juifs, lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, il ne les a pas fait entrer directement. Et l'expérience a donné, le temps a donné raison à Dieu. Parce que pour un mot, je crois que c'est parce qu'on n'a plus la suite de l'émission, on pouvait prendre là et développer le type de chrétien que nous avons aujourd'hui. Pour un moment d'inattention, que Dieu laisse effectivement tester ce qui est sur son cœur, sur leur cœur, on voit effectivement comment ils ont soif. On a eu beaucoup d'égarements. Exactement. On voit effectivement comment ils ont soif pour retourner à l'Égypte. Et c'est exactement les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Dans Malachie chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare que les gens qui servaient le Seigneur lorsqu'ils sortaient des lieux de culte ont commencé à commenter entre eux. Ils disent, est-ce pour rien que nous servons Dieu? Oui, nous l'avons nos mains dans l'innocence, mais nous sommes, les méchants sont chargés d'un bon point, mais nous nous faisons du bien, nous ne sommes pas enrichis, comme le Paul, quoi, le psaume 73, le prophète Assel le dit également. Mm-hmm. Ils disent, et la Bible déclare que l'Éternel fut attentif à ce que disaient ces croyants-là. Et puis un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel pour que ceux qui servent Dieu véritablement. Après, Dieu dit qu'on va reconnaître effectivement ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est pour dire quoi? Dieu est attentif dans le ciel et il voit effectivement ce qui nous arrive. Il voit effectivement comment le méchant opprime. Il voit comment le méchant passe par toutes les fraudes pour réussir. Mais il veut que ses enfants vivent dans la sainteté. C'est en ce sens que notre Seigneur Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du monde d'impressionner les mondains avec leur façon d'agir, mais en vivant dans la vie de Dieu pour être différent des autres. Alors, porter sa croix, est-ce qu'on peut l'anticiper? Ce n'est pas possible. Chez Dieu, dans l'école de Dieu ici, dans l'école humaine, on peut redoubler, on peut donner de l'argent. On peut se préparer à cette circonstance. On peut se préparer à cette circonstance. On peut s'armer, tel que le livre d'Éphésiens nous le présente. On peut s'armer, on peut prendre du temps. Et pour cela, on va revenir à un point qu'on a évoqué, oui, la nécessité d'entretenir une communion sincère, véritable avec le Seigneur. Dieu. Oui, absolument. Et là, maintenant, ça me pose le problème. Comment est-ce que les gens qui m'écoutent maintenant sont devenus chrétiens? C'est la problématique vraiment ici. Mmh. Comment est-ce qu'on est devenu chrétien? La Bible nous déclare que si on est né de l'esprit, ce n'est pas possible. Dans Jean au chapitre 3, le verset 6 et le verset 7, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La Bible nous enseigne que pour la nouvelle naissance, il ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'une institution ou bien de la chair ou bien du sang. C'est-à-dire, si quelqu'un m'écoute maintenant, s'il est pasteur, son père pasteur, sa mère pastrice, ça ne sert à rien. Il ne veut pas de lui un chrétien. Il faut qu'il naisse de nouveau. Même si son père ou n'importe quel prophète, les apôtres réunis voudraient lui imposer les mêmes afin qu'il naisse de nouveau, il ne peut pas naître de nouveau. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il prenne une décision personnel de s'engager avec Dieu. Et maintenant, et quand même il peut prendre les raisons personnelles, si la nouvelle naissance n'est pas telle que la Bible le dit, parce que la Bible déclare que ce qui est né d'en haut, c'est l'esprit qui vivifie, qui doit venir d'en haut. Mm-hmm. Dans Jacques chapitre 1, le verset 18, la Bible déclare qu'il nous a régénérés, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, selon son dessein à lui, afin que nous devenions en quelque sorte ses prémices et ses créatures. Donc ça commence par là, ça commence par la nouvelle naissance. Et là maintenant, je me dis aux invités que malheureusement, c'est ici dont le véritable problème. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, comme nous avons vu que c'est les miracles attire les sensations, on envoie des nouvelles sur les chaînes de radio et de télévision d'inviter des gens afin qu'ils viennent dans les croisades. Quand ils viennent dans les croisades, ils voient la bonté de Dieu, ils adhèrent à des groupements, ça adhère au Seigneur Jésus. Par conséquent, c'est pour cela que plus tard, ils peuvent toujours chercher le lieu du miracle parce qu'ils n'ont pas adhéré leur cœur à la personne de Jésus. Ils ne se sont pas tournés vers le Seigneur. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est ça qui cause vraiment le vrai problème maintenant, parce que c'est-à-dire que si la personne avait retrouvé le Seigneur Jésus-Christ, il continuerait la route avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont trouvé des lieux, ils ont trouvé des hommes, ceux qui peuvent se relayer pour prendre de ces dieux-là. Mm-hmm. Porter sa croix et suivre Jésus, un message de notre époque, une nécessité pour grandir dans la foi, évangéliste et Bertrand. On l'a dit la dernière fois, c'est un passage obligatoire. Pour tous les chrétiens. C'est un peu comme si vous voulez être militaire sur le plan humain en portant la tenue sans aller à la formation à coup de tabac. C'est impossible. Mm-hmm. Sinon, un de ces jours, vous allez prendre de l'arme, vous allez vous tirer dessus. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens esquivent cette formation? Et tout le monde, il dit 95%. Puisque nous avons, l'un des problèmes que nous avons vu ici, c'est que les dirigeants eux-mêmes sont dans les vraies situations, dans les vrais problèmes. Mm-hmm. Quand un dirigeant se met dans les antennes en disant que si tu es chrétien, si tu es pauvre, c'est parce que tu as une malédiction. Il y a un problème. Si quand un dirigeant se dit, par exemple, que le chrétien ne doit pas souffrir, ne doit plus être malade, il y a un problème. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il n'est pas d'après le modèle. Et quand on n'est pas d'après le modèle, combien de personnes, c'est comme ça qu'on va relayer, engendrer donc des gens qui vont avoir ces modèles. C'est bien d'avoir la mentalité, comme on dit que le mindset, c'est avoir la mentalité de gagnant. Mais on doit gagner en Christ, en étant dans le modèle de Christ. Si on est hors du modèle de Christ, puisque l'apôtre Paul va dire, même dans le il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc c'est le ministère de contentement là. Mm-hmm. Si on n'a pas cela, on commence à avoir de la soif. Vous voyez effectivement comment les gens veulent être chargés d'un bon point. Je me rappelle dans un pays étranger où je suis allé, il y a un ministre de culte qui disait à ses fidèles que il a entendu une conversation entre les Rolls Royce, je ne sais pas ce qu'on appelle Rolls Royce avec les Mercedes, et les Mercedes disaient, les Rolls Royce disaient aux Mercedes que les voitures Rolls Royce. Je crois que c'est ça qu'on appelle les voitures. Voilà, donc je crois que c'est une marque de voiture. Oui. Donc ces marques de voiture communiquaient entre elles en disant que Rolls Royce disait à Mercedes qu'il est fatigué d'être conduit par les non-croyants. Donc il désire que les croyants le conduisent. Et toute l'assemblée a ricané en disant que waouh. Donc il a commencé à prophétiser que je prophétise sur quelqu'un ici qu'il aura Rolls Royce. Vous voyez ce qu'il en est. Nous avons vu dans l'émission que c'est ces choses-là, les désirs, le principe de l'offre et de la demande. Comment se fait-il que l'évangile de Christ est transformé avec le matériel? Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelé. Donc vous avez l'impression aujourd'hui que le focus, malheureusement, a aussi contribué à amener plusieurs chrétiens à la dérive. Porter la croix. À ne pas comprendre le sens et la nécessité pour eux. Et par conséquent, leurs âmes vont de façon claire à la perdition sans qu'ils s'en rendent compte. Suivre le Seigneur, marcher avec lui, plaire à Dieu, porter des fruits pour sa gloire, c'est d'être la priorité. Exactement. Et Jésus, notre Seigneur a dit dans Luc chapitre 14, que j'invite les gens, puisque nous allons sortir par là, dans Luc chapitre 14, il dit clairement, il dit ainsi donc, quiconque, au verset 33 du chapitre 14 de Luc, il a dit qu'ainsi donc, quiconque ne renonce, il a dit quiconque, ne renonce pas à lui-même, à tout ce qu'il possède. Il a dit à tout ce qu'il possède. Au verset 27, il a d'abord dit que ce que quelqu'un aime son père, sa mère, donc travaille n'importe quoi. C'est pour dire quoi? Ceux qui doivent suivre Jésus-Christ sur ce chemin-là, ils doivent être prêts à sacrifier n'importe quoi, ou n'importe qui, ou n'importe où, tant que le Seigneur Jésus le demande. Lorsqu'il demande cela, il faut mettre ça de côté, même s'il doit faire mal. Parce que lui, il a dû quitter sa gloire, descendu dans la boue, descendu en dessous des anges, le Créateur, pour devenir semblable à nous. Étant semblable à nous, il a dû même laver les pieds, le plus bas des métiers, pour pouvoir nous montrer effectivement comment l'humilité précède la gloire. Donc le Seigneur Jésus nous montre par là que nous devons vivre ce genre de vie-là de renoncement, sinon on n'est pas ses disciples. Et nous allons finir par cette question, au bout de la croix, au bout de la peine, au bout de la difficulté, oui. Qu'est-ce que Dieu nous promet et qu'est-ce qu'il attend de nous? Mon grand frère, l'apôtre Paul, a dit, j'ai combattu le bon combat. Et généralement, on écrit cette parole aussi sur les flyers de deuil. Même pour quelqu'un qui était en bois de nuit, les mots en bois de nuit. On écrit cela dans les flyers de deuil. J'ai combattu le bon combat. Il dit, désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Après, il dit, pas seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. On ne peut pas aimer l'avènement de Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il y a une preuve de l'amour, il y a une manifestation de l'amour, là, une preuve de cet amour. Si on aime l'avènement de Seigneur Jésus-Christ, on se prépare en conséquence. On irait vers le Seigneur Jésus-Christ pour savoir comment être prêt pour entrer. Parce que la Bible déclare que lorsque la Matthieu chapitre 25, que lorsque l'époux tardait à venir, tout s'assoupit. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait un cri pour réveiller. Réveille, voici l'époux, aller à sa rencontre. Pour qu'on aille à sa rencontre, il faut qu'on se prépare. Donc il faut qu'il y ait des robes préparées pour le mariage. Alors maintenant, le travail juste des cinq, les œuvres juste des cinq, comme la Bible déclare. Donc, comme l'apôtre Paul dit, il dit qu'il a combattu le bon combat, il est désormais. Vous voyez, de part d'eux dans les Écritures, il dit qu'il battait de l'air, il couvait le but. Mais ici, il dit effectivement qu'il a combattu le bon combat. Donc, il savait effectivement que la mission a été accomplie, telle qu'il lui a été assignée. Mais il dit non, il a combattu le bon combat. Donc, vous posez la question, quel est au bout? Le bout, c'est la couronne. C'est pour cela que chacun, pour son talent que Dieu lui a donné, qu'il fasse tout et tout pour fructifier et ne pas être dans le cas de ces mauvais garçons qui a pris le talent à aller caché quelque part et dit que le Seigneur est méchant, Dieu va le juger selon ses paroles. Et bien sûr, nous parlerons du fruit lors de notre prochaine émission. Comment porter un fruit qui demeure, parce qu'il est question justement de porter un fruit qui demeure. L'apôtre Paul disait, chaque œuvre sera éprouvée par le feu. Et seules les œuvres qui résisteront à cette épreuve du feu seront reconnues par le Seigneur. Merci à vous, évangéliste et libertin. Peut-être une dernière parole à la croix des auditeurs. J'ai dit tout simplement aux auditeurs que l'heure est arrivée où chacun doit scanner sa vie au travers de la parole. Prendre la parole au sérieux. On a relégué la Bible et Dieu en dernière position. Lorsqu'on fait ces manifestations, lorsqu'on travaille, on réussit, on a compris que ce n'est pas notre force que nous faisons n'importe quoi. Que non. Le souffle, les moyens de sortir, tout ce que nous faisons dans nos vies, c'est Dieu qui le fait, c'est bonté, c'est grâce dans nos vies pour attirer notre attention à lui. L'heure est arrivée de faire le stop et de se tourner vers le Seigneur Jésus de la bonne manière. Si on était religieux, pasteur ou n'importe quoi, rectifions nos vies devant lui parce qu'un de ces jours, tout ce que nous cachons devant les hommes sera mis à nu devant le Seigneur. Merci à vous. Chargez-vous de votre croix et certainement accepter payer le prix avec lui, mais tout cela ne peut être possible que si on a accepté le renoncement qui est la première étape. Et si nous n'avons pas renoncé à tout ce que le monde nous propose, nous ne pouvons pas véritablement nous mettre à l'écart pour suivre et servir fidèlement le Seigneur. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de cette semaine. Vous désirez entrer en contact avec l'évangéliste Célibertron Tchapdas et simple, vous appelez à Radio Bonne Nouvelle, nous vous donnerons ses coordonnées. Merci à vous, évangéliste. Merci et à très bientôt sur les ondes. Disons, on se retrouvera certainement très bientôt pour aborder un autre thème de partage sur la radio. Plaisir à Dieu, je suis à votre service. Merci à vous, chers auditeurs. Portez-vous bien. Shalom.